Le soir, avant de m'endormir, quand je regarde ta photo, maman, mon cœur s'étreint de souvenirs et te dit encore à bientôt, maman. Si pour longtemps voulu partir, tu ne me disais jamais non, maman. Si je t'ai fait parfois souffrir, j'avais aussitôt ton pardon, maman. Souvent dans un profond silence, dans ton regard plein de douceur, je retrouve notre insouciance, nos joies, nos rires et nos pleurs. Rêveur, je revois sans cesse ton visage que j'aime tant. J'ai besoin de ta tendresse, d'entendre ta voix, tu comprends, maman? حليبك اللي يجري في دمي.